plus jolie. Qu'importe une fois que c'est cuit. Dis maman qu'elle a du pognon. Pour lui se marier, c'était pas con. L'angle choisi, marie puis cuit. L'angle les ailes pas crues. L'angle choisi, marie puis cuit. L'angle les ailes pas crues. N'avait pas existé, c'est sûr on l'aurait inventé pour gagner un petit frisson. C'était ce qu'aimait l'opinion. L'Andru choisit Marie Pupi. L'Andru les aime pas cru. L'Andru choisit Marie Pupi. La rue les aime pas crues. Des barbes bleues, pas eu la fin des plus heureux. Arrêtez, guillotiner. Des barbes bleues, c'était le dernier. L'Andru choisit Marie Pupi. L'Andru les aime pas crues. L'Andru choisit Marie Pupi. L'Andru les aime pas crues.